الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في فضل رب البرية بشرح الضرر البهية للشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans l'explication du livre Fadlu Rabbil Bariyya, la grâce du Seigneur des créatures, dans l'explication des belles perles de l'imam Ash-Shawkani et l'explication est celle de l'imam Al-Sheikh Abul Hassan Ali, le fils de Mokhtar Ar-Ramli, qui est la nisba du Sheikh, qui vient de Ramla. Alors nous sommes dans le chapitre Kitabu Al-Janaïs, c'est ça? Voyez. Donc nous avons vu la semaine passée, quel chapitre? Takfinu al-mayyit. Comment ensevelir le corps. Voyez. Donc nous avons fini ce chapitre. Donc aujourd'hui, nous commençons le chapitre Salat al-mayyit. C'est ça? La prière sur le mort. Alors l'imam Shawkani il dit: وَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ. Il est obligatoire de prier sur le mort. Voyez. Et nous allons étape par étape. Nous avons vu le ghusl, le lavage. Après avoir lavé le mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ensevelir, le takfin. Après l'avoir enseveli, qu'est-ce qu'on fait? On fait la prière sur le mort, c'est ça? Voyez. Donc il dit, l'imam Shawkani, وَتَجِبُ الصَّلَاةُ, la prière est obligatoire, عَلَى الْمَيِّتِ, sur le mort. وُجُوبًا كِفَائِيًا. Le Cheikh Ali Ramli dit d'une obligation commune. وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a ordonné cela dans plusieurs hadiths. C'est ce qui veut dire في غير ما حديث. قال لأصحابه. Il a dit à ses compagnons: صلوا على صاحبكم. Priez sur votre compagnon ou votre frère. Sahib, sahib rajul, murafiqi, celui qui l'accompagne, celui qui marche avec lui. Voyez. Donc ici, ça vient dans un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a refusé de prier sur la personne. Il a dit: sallu ala sahibikum. Priez sur votre compagnon. Donc, وَسَبَتَ فِي الصَّحِحَيْنِ. C'est venu dans les deux authentiques. أَنَّ الصَّحَابَ, que les compagnons, صَلُّوا عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدِ. Ils ont prié sur la femme, تَقُمُّ, yani يَمْ تَنْظِفُ الْمَسْجِدِ وَتَدْفَعُ عَنْهُ الْقُمَامِ. les ordures. طيب هذا معنى تقم تقم بمعنى تنظيف المكان. Donc la femme qui nettoyait ou qui rendait propre la mosquée, les compagnons ont prié sur cette femme-là. Walam yu'limu an-nabi. Ils n'ont pas fait savoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fadalla dhalika. Alors cela montre, c'est la preuve, anna hadha al-wajib kifa'i. Donc cela montre que cette obligation est commune. Idha qama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqin. Si certains se lèvent pour faire cette obligation, alors l'obligation tombe des autres. Wala yajibu 'ala jami'i man sami'a bihi an yusalli 'alayhi. Il n'est pas obligatoire sur tous ceux qui vont entendre qu'il y a janaza de prier sur le corps. Rakin fi ujur. Il y a en cela beaucoup, beaucoup de mérite. Voyez, il y a les hadiths qui viennent à ce sujet. Donc ici, la prière sur le mort est une obligation. Ce n'est pas une obligation individuelle. Voyez. Si c'était individuel, c'est-à-dire si c'était obligatoire, si tout le monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas refuser de prier sur un corps. Et deuxièmement, la femme qui nettoyait la mosquée. Alors elle est décédée tardivement. Et les compagnons ont craint de réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il dormait. Donc ils ont prié sur son corps et ils sont allés l'enterrer. Retenez bien ce hadith qui est Al-Mar'atu allati kanat taqumu al-masjid. Ce hadith qui vient dans les deux authentiques. Retenez bien, car on va en découler de ce hadith un autre jugement. Tayyib. Qala al-mu'allif. L'auteur du livre dit: Wa yaqumu al-imam. L'imam s'élève. حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. L'imam s'arrête au niveau de la tête. Lorsque le corps il est couché, l'imam s'arrête au niveau de la tête de l'homme. Voyez. Et au milieu de la femme. Voyez. Madame. Wasat, au milieu de son corps. Ici, poitrine n'a pas été dit. C'est au milieu. Wasat. Ça va? Aï, anna l'imam, indama yuridu an yusolli ala l'mayyit. S'il veut prier sur le corps, fa inkana l'mayyit rajulan. Si le mort c'est un homme, fa yakoumu l'imam inda ra'sihi. Il s'arrête au niveau de sa tête. Voyez. Naam. Wa in kanat mar'a. Mais si c'est une femme, fa yakoumu inda wasatiha. Il s'arrête au milieu. Ça va? Wa la yahum in kana inda sadriha wa inda ghayri zalik. Lakin yakoumu fi wasat. Il s'arrête au milieu de la femme. Toyib. Les hadiths de Anas, à cause du hadith de Anas, qu'il a prié sur une janaza, la janaza d'un homme, faqama inda ra'sihi. Il s'est levé, il s'est arrêté au niveau de sa tête. Falamma rufiat, lorsqu'ils ont pris cette janaza, ils sont partis, ils ont envoyé autre janaza. Utiyabi janazati. Imra. D'une femme. Faqama inda wasatiha. Il s'est arrêté au milieu d'elle. Falamma sa'aluhu an fi'ilihi hada. Lorsque les compagnons l'ont posé la question au sujet de ce qu'il a fait, il s'est arrêté au niveau de la tête de l'homme et au niveau, c'est-à-dire au milieu de la femme. Donc, on lui a dit, Ahakaza, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yakumu min ar-rajul haythu kumtu. Donc, wa qalu la, et ils lui ont dit, est-ce que c'est comme ça le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait? Où tu t'es arrêté? Haythu kumta. Où tu t'es arrêté? Wa min al-mar'a, et de la femme, haythu kumta. Où tu t'es arrêté? Alors, Anas dit, na. هذا حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. طيب نعم. وفي حديث السمرة قال حديث السمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطني انفمت سدي في بطني معناه في مرض البطن. وفي هنا في سببية. Le في souvent ça veut dire sabab. Ça va? Le في a plusieurs sens dans la langue arabe. في veut dire souvent à la. في veut dire souvent dans. C'est ce que nous connaissons. Mais il y a في qui veut dire يعني في بطن. أي بسبب بطن. Ça va? Comme par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Dakhala rajulu al-janna fi zubab. Wa dakhala rajulu fi nar fi zubab. Zubab c'est quoi? Mouche. Il a dit fi zubab. Est-ce que on peut rentrer dans le paradis dans zubab? Là. Ici le fi veut dire bisababi zubab. Ok? Donc ici, une femme est décédée fi batni. Fa salla alayha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qama biwa fa qama wasataha. Il s'est arrêté au milieu d'elle. Ce hadith vient dans Bukhari et Muslim. Donc, fa dalla dhalika ala anna hadha al-fi'l sunnatun an-nabi. Alors cela montre que cette action est une sunna qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Naam. Qawluhu matat fi batnin ay bi sababi batn ay wiladati. Elle est décédée fi batnin bi sababi batn, c'est-à-dire maux de ventre ou l'accouchement. Yani matat bi sababil wilada. Elle est décédée pour cause d'accouchement. Donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté au milieu d'elle pour prier. Voyez. Naam. Comment on couche le mort? Comment on le couche? Hein? Oui. Sur le côté droit, vers la Kibla. Sur le côté droit, et sa face vers la Kibla. On met une brique pour l'incliner un peu, pour qu'il fasse, il fait face à la Kibla. C'est ça? C'est ce que vous avez vu. Mais aïna dalilu. Daoud. Tadri ou la tadri? La tadri. Masha'Allah. Man yadri. Non. À la coule, il n'y a pas un nassun sorih qui est venu à ce sujet, un test soirée. Lakin, ce qui est connu, c'est de faire, de le coucher comme il est enterré dans la tombe. Sur le côté droit et face à la Qibla. C'est compris? Non. Voyez, maintenant, lorsqu'on le couche de cette manière, alors on s'arrête pour l'homme vers au niveau de la tête. Pour la femme, au milieu. Et pour l'enfant. L'enfant. Non. L'enfant. Masculin, féminin, pareil, comme pour l'homme. طيب إن كان ذكرا si c'est un garçon alors on fait comme pour l'homme. طيب et on va voir un hadith qui montre cela. طيب بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre dit maintenant il va expliquer صفات الصلاة على الميت. Comment prier sur le corps. Ça va? Il dit, وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا. Il fait 4 takbirs ou 5. Ça va? الصحيح. Le Cheikh Ali Ram dit, الصحيح, الثابت. Ce qui est venu de façon authentique, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que le mu'allif a mentionné. Sinon, d'autres mentionnent 6 fois, 7 fois, jusqu'à 9. Ça va? Dans beaucoup de kutub de fiqh, et que fiqh au sunna, dans beaucoup, hein, c'est mentionné là-bas jusqu'à 7. D'autres même ont rendu cela al-amrouas. Voyez? Ce que le mu'allif a mentionné, la ziyadata, il n'y a pas d'augmentation, wa takbir arba'an aw khamsan, lancer 4 fois le takbir ou bien 5 fois. Ammal arba, quant à 4 fois, fa ahadithuha fi sahihayn, ces hadiths viennent dans les deux authentiques. Voyez, wa minha hadith Abi Huraira, qui a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait 4 takbir si An-Najashi. An-Najashi, c'est qui? Hein? Manwa? Hein? Naam. An-Najashi, Raisu al-Habasha. À son époque, qui avait reçu ou accueilli ceux qui ont fait la première hijra. Mais après, il s'est converti. C'est-à-dire, la hijra a été bénéfique pour An-Najashi. Il s'est converti. Et on va voir la salat que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait sur An-Najashi. Que salatu al-ghaib. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait seulement si Najashi. Et c'est le dalil que beaucoup utilisent pour faire salatu al-ghaib sur ceux qui décèdent loin. Hein? D'autres ont fait salatu al-ghaib ici, c'est Mohamed Morsi. Le raïs des Ikhwan al-Muslimin. Ils disent qu'ils sont les gens de la Sunna. Et d'autres ont fait la prière al-Ghaib si Qardawi. Qaradallahu lisana. Hein? Ils ont fait Salat al-Ghaib si Qardawi. Est-ce que c'est permis de faire salat al-ghaïb si quelqu'un dont la prière était déjà faite sur lui? Alors, ça vient beaucoup dans les livres Kutub de Fiqh. Le dalil sur la prière de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur Najashi. Beaucoup ont utilisé ça comme un argument pour faire salat al-ghaïb. Mais ce n'est pas un argument. As-Sahih, c'est qu'on ne fait pas salat al-ghaïb si quelqu'un dont la prière était déjà faite sur lui. Le istidlal, c'est quoi? Un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a prié sur Najashi. Pourquoi? Personne n'a prié sur Najashi. Il était le seul musulman. Personne n'a prié sur lui. Un Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, salla alayhi. Il a prié sur lui. Hal hadha dalil. Est-ce que c'est une preuve qui montre que si quelqu'un meurt quelque part, on peut faire salat al-ghaïb sur lui? Combien de compagnons sont décédés ailleurs? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été rapporté qu'il a fait salat al-ghaïb sur eux. Dalil wad. L'argumentation pour dire que on ne prie pas sur quelqu'un ghaïban qui est décédé loin, absent, qu'ils ont déjà prié sur lui, hada dalilun min aqwa ma yakun. Ça fait partie des dalils les plus forts qui montrent qu'on ne prie pas sur lui. Parce que regardez le style là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a prié sur Najashi. Pourquoi? Parce que personne n'a prié sur lui. Mais il y a combien de compagnons qui sont décédés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, loin. Il n'a pas prié sur lui. Qu'est-ce? Donc, beaucoup ont utilisé ça comme argument pour prier sur des roues sous dolal. Et dit non, quand son amour au bada ou les salades, kardawi, katasiri kardawi shuga. On devait même refuser de prier même sur son corps. Parce que kardawi ka tieni, ou ka bon ka teme, mordo ka tieni gamina mordo ka fin foya. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de prier sur Al-Ghal, celui qui dérobe quelque chose du butin. Butin, c'est-à-dire Natala Djihadoula, si vous allez en djihad, quand vous avez le butin, celui qui dérobe, celui qui enlève quelque chose dedans avant qu'on le dépose pour distribuer, lui l'a enlevé. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Bon, lui, ce qu'il a fait là, c'est plus grave que ce que eux, ils ont fait. Et le professeur a refusé de prier sur leur corps. C'est plus grave que ce que Kardawi a fait à la communauté musulmane. Pour qu'on prie sur son corps. Hein? Et qu'on fasse salat. On dirait mon repas dans les quoi. Oui, quelle facilité. Donc ici, c'est juste un dalil. Retenez seulement la preuve concernant Najashi. Et bismillah, on va traiter cette masala vers la fin du bab, inshallah. Et vous allez voir quelle est la preuve solide concernant le décès d'une personne qui est décédée loin. Est-ce qu'on peut prier sur son corps ou on ne peut pas prier sur son corps si les gens ont prié sur lui? Les savants ont juste montré que celui qui décède dans l'eau, quelque part, on n'a pas vu son corps, on peut faire salat al-ghaïb sur lui. Parce qu'il est dans le même hukum que Najashi, dont les gens n'ont pas prié sur lui. Mais, Kardawi, au Qatar, il y a combien de personnes qui ont prié sur son corps là-bas? Bon, Abin Amro dérangé. On dirait que c'est quelqu'un qui est important pour la communauté musulmane. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa amma al-khams, quant aux cinq takbir, fa warada fiha hadith an Zayd ibn Arqam. Il y a un hadith qui est venu de Zayd ibn Arkam concernant les cinq. Que Zayd ibn Arkam, annahu kana yukabbiru ala al-janaiz arba'an. Il faisait quatre takbirah. Qala summa innahu kabbara ala al-janazatin khamsan. Il a fait cinq takbirah. Façon il a un zalik, il a été questionné à ce sujet. Faqala, il a dit, Zayd ibn Arkam, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. الرسول صلى الله عليه وسلم il faisait ce takbir là. Zayd ibn Arkam رضي الله تعالى عنه. فعمل زيد ابن أرقم تكبيرات تكبيرات خمسا. Il a mis en pratique les cinq takbir. Donc فعمل زيد, c'est-à-dire ce que زيد a fait, يدل على أن هذا الحكم غير ممسوخ. Ça montre que ce jugement n'est pas rejeté. وإنما هو سنة ثابتة. C'est une sunnah qui est sabit. L'an Zayd ibn Arkam alim al-arba, c'est-à-dire il a su 4, wa alim al-khamsa, et il a su 5. C'est-à-dire il a fait 4 et 5, et il connaît les deux. Fadalla zalika ala annahu min ikhtilafi atanawwa. Ça montre que ça fait partie de ikhtilafi atanawwa. الذي يفعل تارة على سورة وتارة على سورة أخرى. Qui peut faire souvent ainsi et souvent ainsi. Ce qu'on appelle l'ikhtilaf tanawwu, c'est l'ikhtilaf où chacun a raison. Chacun a une preuve. Et la preuve montre que Abdel Adjani Bissikake. C'est comme l'ikhtilaf des Sahaba si Al-Kira, Warsh, Hafs. D'autres disent Warsh. Quelqu'un a lu Warsh devant Omar. Omar dit où tu as lu ça? Il dit c'est Rasoul qui l'a fait. Il dit non. Il dit soit on va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va confirmer ce que tu as dit. Ou la fa'ala nabi. Sinon, maintenant, quoi d'okay là? Si Omar était à notre époque, il allait frapper tous les innovateurs. Évidemment, on a beau peuple Kouchi, comme il a fait à Sobir. Qu'Allah nous préserve. Amma sit wa saba. Quant aux 6 et 7 takbir. 6 et 7. Alors, falam yarid fiha hadith ou marfou. Il n'y a pas un hadith marfou. Hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? بل ورد بعض الموقوفات عن بعض الصحابة. Il y a certains hadiths qui sont venus de certains sahaba. طيب, de certains compagnons. منها ما هو صحيح. Parmi ces موقوفات, quand dit hadith موقوف, ما من hadith موقوف. Non, c'est le hadith qui se limite aux sahaba. Ça va? Mais ça ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un sahaba, si un parmi les compagnons a fait un sahabi, a fait une action, et wanasaba hada, et il a dit que c'est lui qui a fait, ou bien il a dit quelque chose, mais il n'a pas dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Donc c'est que ce n'est pas marfou. Voyez? Donc, il y a beaucoup de hadiths maoukouf qui sont venus, mais regardez ici, c'est ça qui est la qualité des gens de la sunna. Le chef qui dit quoi? Wal hujjatu fima fa'alahu sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, c'est où? C'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait, la fima fa'alahu ghayru. Pas ce que autre a fait. Wala aucun sahabi. Même si c'est un compagnon. Voyez? Amma samani. Quand à 8 takbirat, le chef dit Fala arifu shay'an yasbutu fiha. Il ne connaît rien qui est authentique. Wama tisa, quant au neuf takbir, fa warada fiha hadith, c'est venu, il y a un hadith qui est venu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam salla ala hamza bitis'i takbirat. Il a fait neuf takbirat, walakin azal hadith, akhrajahu at-tahawi. من رواية يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن زبير عن أبيه يعني عن عبد الله ابن زبير. سيتر بودوسيد ابن شاهين نصون ليف من حديث ابن إسحاق عن يحيى ابن عماد عن أبيه إلى رمونت سلا جزك زبير سبعا. وقال البغوي حفظي أنه قال عبد الله بن زبير. Donc il dit selon ce que moi j'ai, il a dit عبد الله بن زبير. Mais l'autre côté il a dit الزبير. Il y a une différence entre زبير et puis عبد الله بن زبير. Donc وقع الشك. Il y a rien d'autre. C'est زبير ou bien c'est son fils عبد الله بن زبير. طيب زبير سكي زبير بن عوام من حواري رسول الله ها لو كومبانيون son fils c'est Abdullah ibn Zubair qui a été tué par Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi et qui a accroché son corps même devant la Kaaba. Donc, waqa'a ash-shakk huna. Donc ici, walahu shahid. Il y a un shahid qui est daif, qui vient de Hadith ibn Abbas, radiallahu anhu. Mais le hukum, si ce hadith, c'est que c'est un hadith qui est daif. Taïf. Hadi al-khulafa. C'est le résumé concernant ce hadith. Donc, Saba, Tisan, La Yasbutan. Ce n'est pas authentique. Lakin, Hadith Salat ala Hamza, mais le hadith qui parle de la prière sur Hamza, Qad istankaraha ghayru wahid min al-ulama. Beaucoup de savants et stankara, c'est-à-dire ils ont montré leur désaccord avec ce hadith. Zakaru annaha munkar. Ils ont mentionné que c'est munkar. Mukhalafatu lima huwa asah minha. Et contredit ce qui est plus authentique. Donc, fala yasihu fi takbirat n'est authentique dans les takbirat que al-arba wal-khamsa faqat. 4 et 5 seulement. Donc, ici, nous avons vu, les takbirat, c'est combien? 4 ou bien 5. Qala al-mu'allif. L'auteur du livre dit, وَيَقْرَوْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى الْفَاتِحَةُ وَالسُّورَةِ. Ça va? Il lit la Fatiha et notre surah. Voilà ce qu'a dit l'imam Shawkani. رحمه الله رحمة واسعة. طيب أما قوله كان ساسابارول الفاتحة نعم فقد ورد فيها حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة دبر ابن عباس كي أبريسي إرن جنازة ستدي إنكور فقرأ بفاتحة الكتاب إلى اللي لفاتحة وقال بعدما قرأها إلى دي après avoir lu ليعلموا أنها سنة afin qu'ils sachent que c'est une sunna. طيب هذه سرابطة بالإمام بخاري أي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكبر المسلم تكبيرة الأولى ويقرأ بعد فاتحة الكتاب. Donc le musulman fait le takbir. Mais pourquoi Ibn Abbas a dit ليعلموا أنها سنة? Parce qu'il a lu cela Jahriye. N'a pas lu cela à voix basse. C'est-à-dire, il a lu Jahriye. Donc, les savants montrent souvent des ahkam autour de cela. C'est-à-dire que si tu veux faire savoir une sunna à quelqu'un, tu peux venir avec une action qu'il n'a jamais vue, ou bien qu'il ne savait pas. Et tu lui fais savoir que c'est une sunna, mais dès que tu finis de faire, il ne faut pas te lever pour partir. Tu informes que c'est une sunna. Ça va? Tel que le fait de faire souvent la iqama, comme la zan. Ça va? Si tu veux le faire, tu finis de le faire, tu dis aux gens, ou bien l'imam qui est devant, il dit aux gens que c'est une manière de faire iqama. Ça va? Sinon, tu vas t'arrêter souvent devant nos vieux là. Tu finis de faire, il te dit maintenant c'est le korata. Parce que ce que tu viens de faire là, c'est azan. Il te dit maintenant c'est le korata. Parce que lui n'a jamais vu. Lui n'a jamais vu le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire, deux fois, jusqu'à Hayyal al-Salat, Hayyal al-Falat, non, jusqu'à Qadqamati al-Salat, Qadqamati al-Salat, jusqu'à la fin. Ça va? Le fait de faire comme ça, beaucoup ne savent pas. Donc, à la fin, on leur dit que c'est une sunna. Là, ils vont comprendre que c'est une sunna. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont dire, inna wajadna aba'ana ala hada. Donc, pourquoi toi, tu laisses ça, et puis tu t'en fais pour les Wahhabiens. Les Wahhabiens, nous, on a dit, on a modifié Kadama. Qu'Allah nous préserve. Donc, ici, ce qui est venu dans le hadith d'Ibn Abbas, c'est la Fatiha. Mais quant à wa sura, une sura, fala yassihu fiha shay. Rien n'est authentique. Concernant une autre sura après la Fatiha. C'est-à-dire, bala takbiratul ula, et c'est la takbiratul ula bima saha qui est venue de façon authentique dont on doit lever la main. Les autres, aucun. De façon authentique n'est venu. Les autres takbir, tu finis de faire lever la main dans le takbir à l'oula, tu mets la main sur la poitrine, les autres takbir tu fais avec la bouche, sans lever la main. Ada wa sahih. Mais certains savants disent que, al-amru wa se aydon. Mais il y a un hadith qui est venu de façon authentique, qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait takbir à l'oula en lever la main. Ok? Donc, ça, c'est sahabit. Mais les autres, c'est pas sahabit. Ok? Donc, quand elle a une sura après la Fatiha, après le premier takbir, voilà, il y a ce qu'il y a chez. Ja azikruha fi hadith ibn Abbas al-Sabiq, c'est venu, la mention est venue dans le hadith précédent, fi Sahih al-Bukhari, anna alladhi fihi zikrun. Zikru kirat al-Fatiha, ja'at riwayat kharija Sahih al-Bukhari. Il dit qu'il y a une autre riwaya qui est venue en dehors, c'est-à-dire, n'est pas dans Sahih al-Bukhari. Qala fiha, il a dit, innahu qara fiha bi-Fatiha di kitab wa surat jaharan. Et une sura wa jaharan. Et il a lu cela à haute voix. C'est venu dans une autre riwaya comme ça. Mais l'imam Bayhaqi, rahimahullah, il dit, Zikru sura ghayru mahfouz. Mentionner notre sura, la mention d'une sura dans le hadith d'Ibn Abbas, c'est quelque chose qui n'est pas venu. Aïe ziyadatun shaza. C'est une augmentation qui est shaz, qui n'est pas connue. C'est-à-dire, anana, c'est étrange. Soyez. Wassawab, ce qui est authentique, khilafo. C'est le contraire de, c'est-à-dire, de prendre la Fatiha, une sourate. On prend seulement la Fatiha. Wa kadalika qawluhu fi nafsi hadha al-hadith wa jahar. Ay jahara bil Fatiha. Il a fait le jahar. Il a récité à haute voix la Fatiha. Wa hiya aidon ziyadatun ghayru mahfouz. C'est une ziyada aussi qui n'est pas venue. Mais cette ziyada vient dans les autres riwayas du hadith. Toyib, wal mahfouz, wal ladhi fi sahih. Le mahfouz, c'est ce qui est venu dans le sahih. Anna ibn Abbas qara bil Fatiha wa qala li ya'lamu annaha sunnah. Li ya'lamu annaha sunnah, on comprend de cela qu'il a fait jahar. Mais la ziyada qui vient wa jahara biha, clairement wa jahara biha, c'est pas une riwaya qui est mahfouz. Voyez. Donc wa qala rahimahullah, l'imam Shawkani dit ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة. Il invoque entre les deux takbir maintenant. Après avoir fait takbiratul ihram, afwan, le premier takbir, c'est ça, ihram. Donc, il rentre, c'est comme il rentre dans surat al-janaza. Le premier takbir, c'est ihram. Considéré comme takbiratul ihram pour rentrer dans surat al-janaza. Après avoir fait ça, lorsqu'il récite la Fatiha, quand il lance une takbir, il fait maintenant les invocations. Et on va voir cela, ce qui est authentique. Il fait quelles invocations? Les invocations qui sont venues dans la sunna. « Intaqala al-muallifu rahimahullah min at-takbiratul ula ma al-fatiha ila takbirati salata. » C'est-à-dire, il est quitté dans le premier takbir et il allait vers les trois autres, parce qu'on a parlé de quatre takbir ou bien cinq. Ma zikri dua, en mentionnant l'invocation. Isharata minhu ila anna salata ala nabi sallallahu alayhi wa sallam la tasbutu fi hada al-mawda. Donc, il veut montrer ici que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas authentique dans la prière sur le mort. Salat al-janaza. Wa lizalika lam yazkuruha aslan. C'est pour cela que l'imam Shawkani ne l'a pas mentionné. Wa hadha mahallu khilaf bayna ahli al-ilm. C'est une divergence entre les gens des sciences. Wa sahih, ce qui est authentique, inshallah annaha sabitatun. Salat. Vous avez eu peur. Hein? Donc, ce qui est authentique, c'est que c'est sabit, c'est authentique. Tayyib. Naam. Inch'Allah. À cause du hadith de Abi Umama, qui est rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, Abdul Razak dans son Musannaf, et l'imam Hakim dans son Mustadrak, et la base même du hadith est dans Sunan al-Nasa'i. Tayyib. Donc, ici, il a dit à Umama, anna sunnata fi salat ala janaza. Il dit que la sunna dans la prière fil janaza, yukabbiru l'imam, l'imam fait le takbir, summa yakra bi fatiha le kitab, il est fatiha, ma takbirat l'oula, avec la takbirat l'oula, sirran, en cachette, fi nafsihi. Summa yusalli ala nabi. Ensuite, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاثة. Et puis maintenant, il fait spécifiquement des du'as pour le mort dans les autres takbirat. لا يقرأ في شيء منهن. Il ne lit pas le Coran dans ces trois yani takbirat qui viennent après, ou bien ces deux autres. Ça dépend. ثم يسلم سرا في نفسه. Ensuite, il fait le taslim. Sirran fi nafsi, en cachette. Summa yad'u ba'da zalika bima warada 'ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, ensuite il invoque, en se basant sur les du'as qui sont venus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la parole de Abi Umama ici, summa yusalli 'ala nabi, ensuite il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ukhiza minhu anna as-salata 'ala nabi ba'da takbirat thaniya masnounatin wa tufal. C'est masnouna parce que c'est la parole d'un compagnon, Abi Umama. Voyez, et c'est ce qu'il a dit. Khilafan lima dhahaba ilayhi al-mu'allif. Contrairement à ce que l'auteur du livre a dit, c'est-à-dire l'imam Shawkani, summa ba'da zalika fi takbirati salisa wa rabi'a wa al-khamisa ila in kabbaraha yakunu ad-du'a. c'est-à-dire takbiratu as-salisa, troisième, il invoque. Quatrième, il invoque. S'il veut faire cinquième, il invoque. Ça va? Donc, comment on doit le faire? Selon ce qu'on a dit tout à l'heure. Qui peut revenir dessus? Naam. Naam. On soulève la main. Ça, c'est obligatoire. Naam. On lit la sourate al-Fatiha. Ensuite, on fait le deuxième takbir. On prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une sunna. Ce n'est pas une obligation. Voyez. Donc, celui qui ne l'a pas fait là, ishkal. Ok? Il n'y a pas de problème. Non. Oui, j'ai déjà vu ça. Ce jour-là, j'étais, on dit, étonné, très étonné. On vient s'arrêter, on veut prier sur un corps. L'imam qui vient de s'arrêter, c'était un imam giga. Tu connais les imams giga, là, non? Des gros menteurs. Donc, il vient s'arrêter, et puis il dit, oh, on va s'arrêter pour prier sur le mort. Ninga takbira foloke. Ame fatia kala. Takbira flana. Ame na solatu doke. O solatun. O vina ke sababuye. Anna tigila mwata la jahannamala. Ala va transférer Qatar Guinée là, au solat al-Fatih. Inna lillahi. Moi j'étais arrêté comme ça, il dit, hé. Et bon, c'était la janaza de quelqu'un qui vraiment, dans l'apparence, faisait l'effort de suivre la sunna. Donc, voilà pourquoi j'étais allé prier. Wallahi, j'étais là, il fallait que je me retourne. Mais j'ai dit non, celui qui est décédé, je sais qu'il n'est pas sur cela. Je me suis arrêté, j'ai prié sur son corps et puis je suis parti. Mais il parle de Salat al-Fatih. Salat al-Fatih, sur le mort. Et ça va le transférer de l'enfer au paradis. Si ça c'était la vérité, on va être baladabla. Et puis on va acheter les imams giga pour venir faire Salat al-Fatih sur nous. Ou bien. Et il pense que Allah Gamoro dans tout le monde est son roi. On en a tout le monde qui est donné. Hein? Afa hasib tu m'an nama khalakna kum abasa. Adana tout le monde est son roi. Mais il peut voir ni l'île. L'imam giga là, c'est l'argent. Ah, après il va le voir et dire ce que lui il a fait là. On doit payer. Hein? Qu'Allah nous préserve. Ils ont beaucoup de ces conneries chez eux là-bas. Ils ont même droit au fida. Voilà, droit au fida. Droit au fida, c'est les, il y a d'autres, le sens veut dire que on transfère le mort. Ça va? Il y a un droit pour ça. Il y a des askar aussi, comme l'imam Hamoud Atoué Djiri, il rapporte des tablir, diamant de tablir. Si vous le connaissez, Jamala, lisez le livre Al-Qawl al-Baligh fi tahdhir min jama'ati at-tabligh de l'imam Hamoud At-Tawajiri. Vous allez comprendre que les soufis tijanites qui sont ici là, wati do lu yere ka fi sani tablighuy. Wallah. Eh, tu vas voir des askar là-bas. Hein? On te dit tu bloques, c'est-à-dire ils font des askars, ils bloquent la respiration pendant plus de 4 minutes. Celui qui a pu faire ça, c'est Indaraja. D'où est-ce que ça là? Oui? Si c'est quelqu'un qui est asthmatique, et il fait ça. Hein? Nassalullah alayhi wa sallam. qu'Allah nous préserve. Il faut aller les récupérer. Sinon, il ne faut rien faire. Tu les envoies ici seulement. Après, on va régler ça. Non. Donc, qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Wa afdal ad-du'a. La meilleure invocation, ad-du'a bima huwa. Ad-du'a bima warada an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'invocation qui est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal hadith al-warid fi zalika, et le hadith qui est venu dans cela, c'est le hadith de Auf bin Malik. Et c'est sa parole, Allahumma ghfir lahu. C'est-à-dire, l'invocation même du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mort. Et lorsqu'il a fait cette invocation sur un mort, il y a un compagnon qui a dit, Waditu, j'ai aimé être à la place de ce mort-là. Parce que c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui fait cette invocation sur lui. Allahumma ghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu, wa'akrim nuzulahu, wa'wassi mudkhalahu, wa'aghsilhu bil ma'i was-salji wal barad, ونقه من القطايا كما ينقى الثوب أبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار سيحديث جنة صحيح مسلم بكو كان ينفق إسارت sur l'autre côté, il ne termine pas. Alors que toute cette riwaya, ça vient de cette manière. C'est-à-dire, Allahumma ghfir lahu, Allah pardonne-lui. Warhamhu, fais le miséricorde. Wa'afihi, Allah préserve-le. Wa'afu anhu, et Allah soit indulgent, c'est-à-dire, yafama. Wa'akrim nuzulahu, accorde-lui une bonne demeure, wa wassi mudkhalahu, et élargit sa demeure, la tombe, c'est-à-dire là où il va rentrer dans la tombe. Wa ghsilhu, Allah lave-le bil ma'i, c'est-à-dire lave-le de ses péchés avec l'eau, wa salji wal barad, avec la grêle et la neige. Tu vois qu'on lave quelque chose avec la grêle, la neige, et puis l'eau. Comment ces choses deviennent? Wanakihi, Allah, purifie-le, nettoie-le, minal khataya, de ses péchés, kama yunak pasawbu, abiyadu, comment on nettoie, c'est-à-dire, on purifie le vêtement blanc de toute impurité, de toute saleté. Ça va? Wa abdilu, Allah, donne-lui, c'est-à-dire change-lui. Daran. Donne-lui une demeure en remplacement. Khayran min dari. Qui soit meilleur que sa demeure qu'il avait dans cette dunya. Wa ahlan. Et une famille. Khayran min ahlihi. Ça va? Allahu Akbar. Une famille meilleure que sa famille. Wa zawjan khayran min zawjihi. Et une femme meilleure que ça, sa femme dans cette vie d'ici-bas. Hein? Nous disons aux soeurs, ne soyez pas jalouses. Dans le paradis, il n'y a pas la jalousie. Hein? C'est ce qui est venu. Wa adkhilhu al-janna. Et fais-le rentrer au paradis. Wa'idhuhu, et préserve-le min azab al-qabri, le châtiment de la tombe, wa azab al-nar, le châtiment de du feu de l'enfer. Le compagnon qui a entendu cela a dit, waditu an akuna fi makani. J'ai voulu, quand j'ai entendu cette invocation, j'ai voulu être à sa place. C'est-à-dire à la place de celui qui est décédé. C'est-à-dire, avec Alanyina le Kunsala, ni Dwaun Kerale. Tu vois cela, Dunia, ça ne dit rien. Mais nous, On dit, bon, ok, est-ce que tu veux qu'on fasse même invocation et que tu seras à sa place? Regardez pourquoi. Hein? Voilà pourquoi Omar Ibn Khattab, lorsqu'il a envoyé une lettre à un roi, et le roi, là, yuridu an yastaslima, il ne veut pas se soumettre. Omar l'a appelé à l'islam. Il ne veut pas se soumettre. Il préfère la guerre. Omar lui dit, Omar radiallahu ta'ala, il lui dit, si tu refuses, nous allons te combattre. Il dit, il est prêt pour le combat. Omar dit, sache que les gens qui sont avec moi, ils aiment la mort plus que la vie que toi tu aimes. Donc, les gens disent, Kabri mort, il n'a pas peur. Non, ça dit lui-même, il sort pour aller en djihad, il voit des zaoudiat. Il doit aller voir sa femme. Parce que lui-même, il veut mourir. Là-bas. Il veut être parmi les shuhada. Mais comme il ne peut pas se tuer lui-même. Ou bien, il faut que quelqu'un le pénètre. S'il se laisse aussi, on le pénètre, c'est que il s'est tué. D'autres ont voulu ça, tel que Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid a voulu la shahada, mais il n'a pas été tué en combat. Vous savez ce qui a tué Khalid ibn Walid? C'est Taoun. C'est la peste. Il est mort de la peste. Khalid ibn Walid. Allah nous préserve. Qu'Allah fasse qu'on aime la mort. On doit aimer la mort, non? Hein? Quoi? Oui, c'est la cause du matin. Non. En tout cas, la seule chose qu'on doit avoir comme crainte, c'est de ne pas mourir et qu'on ait encore des casseroles contre elle. Alors pourquoi nous faisons beaucoup de dua de réparer nos erreurs, de nous repentir, d'être purs avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez là, nous avec nos déchets, on dit on aime la mort. Comment que? Il faut faire l'effort. Qu'Allah nous fasse vivre tant que la mort est un bien pour nous. Et la vie est un bien pour nous et qu'il nous fasse mourir tant que la mort est un bien pour nous. Dans Amma al-Adhiyat al-Warida fil Hadith al-Ukhra, quant aux autres invocations qui sont venues dans les autres hadiths, alors, ici il dit, فقال الإمام البخاري رحمه الله, Imam Bukhari dit, Hadith Abi Huraira wa Abi Qatada wa Aisha Ghayra Mahfouz. C'est-à-dire, ce n'est pas des hadiths qui sont authentiques. Wa son ushin fil bab, hadith Auf bin Malik. Ce qui est plus authentique. Ça va? C'est le hadith qu'on vient de voir. C'est l'invocation qu'on vient de voir. Apprenez cette invocation et faites cela sur la janaza de vos frères. Ce n'est pas quand votre frère va décéder que vous allez chercher à aller apprendre l'invocation. Donc, ici, les ahadiths là, ay annaha ahadith, laysat sahiha. C'est pas authentique. Wa hadith bin Auf bin Malik wa l'hadith alladhi qaddamnahu. C'est le hadith que nous avons avancé. Wa inda'a, s'il a invoqué bima fataha Allahu alayhi, il a invoqué par des invocations que Allah lui a facilité. Alors le chef dit à la base, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. ثم يسلم تسليمة واحدة على يمينه. Ensuite, il lance le salam à droite une seule fois. هذا ما ثبت عن جمع من الصحابة. Voici ce qui est venu de façon authentique de plusieurs compagnons. ولا يعرف لهم مخالف. Il n'y a pas quelqu'un qui les a contredits en cela. كما قال الإمام أحمد. Comme l'imam Ahmad a dit. طيب. Non. Ensuite, قال المؤلف رحمه الله لوتر ليف دي ولا يصلى على الغال on ne prie pas sur الغال الغال الغال هو الذي هو الذي يكتم سيسريك كاش ما يأخذه من الغنيمة c'est qui prend du butin. Qanaim al-harb, dans le butin de guerre, qabla qismat tiha ala ashabia, avant que on ne distribue à ceux qui ont fait la bataille, lui l'enlève, il cache. Fala yutul alayhi l'imam, il ne montre pas à l'autorité, wala yada'uhu fil ghanaim li qismati. Et il ne met pas dans le ghanima pour que les gens partagent. C'est-à-dire, aleba dogo. Hada, حتى النبي نهاه الله عن ذلك على لي انترديس لا في سورة الإمران الذي وما كان للنبي أن يغل نبا برمي أن بروفيت دو ديروبي ومن يغلل celui qui dérobe l'argent dans le butin ou bien quelque chose يأتي بما غل يوم القيامة Il viendra avec ce qu'il a dérobé le jour de Yom al-Qiyam. ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الغال. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est le bien de tous. بمثال ذلك le bien commun que les gens يترتعون فيه. Au beau boulot de toi, c'est-à-dire pour dépenser comme ils veulent. Masjid. Les gens cotisent pour la mosquée. Lui, c'est son gagne-pain. Il ouvre la caisse, il prend ce qu'il veut. Hein? Et il va nourrir sa famille avec ça. Ni dem son tienna, il se pose la question, comment il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Alladhi akal al-haram, celui qui mange haram, hariyun alla yuqima. Hada ma alayhi salam. C'est plus probable qu'il ne soit pas sur la bonne voie, celui qui mange le haram. Pourquoi tu fais rentrer le haram dans le ventre de ta famille? Car on nous préserve du haram. C'est venu dans un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est t'empêcher de prier sur quelqu'un qui a dérobé fi ghazwat Khaybar dans la bataille de Khaybar. Wa hadha al-hadith huwa alladhi istadalla bihi al-mu'allif ma ala ma dhakar. Voici, c'est ce hadith que l'auteur s'est basé. Mais l'auteur a dit, « Wala yusolli alal ghal. » Il ne doit pas prier sur celui qui a dérobé. « Ja'ala hu mutlaqan. » Walakin fi nafs al hadith, mais dans le même hadith, il y a un dalil qui montre qu'on peut prier sur lui. Parce que Rasul s'est dit, « Sollu ala sahibikum. » Priez sur votre frère. فيدل هذا على أن الغال cela montre que le غال لا تترك الصلاة عليه مطلقا c'est-à-dire بلا جنتي بانكا فوكا تسلي mais l'imam peut refuser de prier pourquoi on va voir cela d'abord le cheikh dit ici بل لا بد أن يصلى عليه On doit prier sur lui comme les autres musulmans. Bal amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam salat Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de prier sur lui. Wa amma imtina'uhu. Quant au fait que lui-même il s'est empêché, sallallahu alayhi wa sallam, min as-salat alayhi, de prier sur lui, fa yadullu ala annahu yushra fi hadhihi al-hal, ça montre que Il est permis dans cette situation, l'imam pour l'imam, ou l'imam kanat lahu makana, pour celui qui a une grande place, mouroba djatila fi nufu sinas, les gens le considèrent beaucoup, en yatruka salat, qui laisse la prière, alal ghal, si celui qui a dérobé, wa ala manfa ala kabiratan min al kabair. Celui qui a fait un grand péché parmi les grands péchés, hein, وَبَقِيَ عَلِيْهَا et est resté sur cela. Et c'est pas répandu. Pourquoi? لِيَكُونَ زَاجِرًا pour que ça soit زَاجِر abe barabrali ke le gairihi, pour autre personne. Parce que ni tokaye, si les autres voient cela, vous la faut ni ne manta dabla. Ninta fana cela imam ben avocate seli. Toyib, faiza urifa, s'ils ont su, anna misa hadal imam, que tel imam, ou rajul sale, ou bien l'homme pieux, l'âme du sol est allé, il n'a pas prié sur ce corps, et n'a pas invoqué pour lui. Parce que la prière, c'est l'invocation. Ça peut être zagir, avec ce qu'a papa, et puis le réprimander sur l'action qu'il fait, c'est-à-dire les autres, quand ils vont voir cela. Ok? Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc ici, on a vu dans cette masala que il est permis de prier si al-ghal, mais pas tout le monde. Ça va? L'imam peut délaisser. Il peut dire, moi je ne prie pas sur son corps. Mais vous pouvez prier sur lui. Ça va? Qala, et l'auteur du livre dit, wa qatil nafsihi. Et on ne prie pas sur celui qui s'est tué lui-même. Hein? Il s'est pendu, il s'est jeté dans l'eau, on l'a récupéré. On ne prie pas sur celui qui s'est tué lui-même. Mais est-ce que c'est mutlak? L'imam akhrajahu muslim, à cause de ce que l'imam muslim a rapporté dans son authentique, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ata ou utiya bi rajulin qatala nafsa. On est venu avec un homme qui s'est tué lui-même. Bi mashaqis, c'est-à-dire falam yusalli alayhi al-mishaqis jamu mishqas, c'est mishaq, mishaqis c'est le pluriel de mishqas, wa huwa naslu sahm, c'est le nasl, c'est-à-dire ce qui est au bout là, le fer qui est au bout de la flèche dont on met le bâton dedans. Hadha musamma bi المسقش أي حديد الذي على رأس السهم الخارج ce qui est le fer qui est au bout de la flèche mi beddu mghayra la طيب donc l'homme s'est tué avec ça. Donc ici le jugement de celui-là هذا كالذي قبله تماما, il est comme celui qui est ce qu'on a vu الغال. Wa in qatala nafsahu muslim, si le musulman se tue, wa in kana qatala nafsi, c'est-à-dire s'est tué, walakinnahu irtakaba azimatan min al-azaim, il a pénétré un péché qui est immense, wa jarimatan kabira fi haqqi nafsihi, il s'est tué lui-même. Pourquoi Allah dit wala taqtulu anfusakum, agana yarefa. D'autres savants même vont plus loin. Ils disent que si l'homme, on lui dit que telle chose n'est pas bon, si tu continues à le faire, tu vas mourir. Alors, in asarra ala zalik, s'il continue à le faire, qu'il meurt, il s'est tué lui-même. Ça va? Et d'autres savants aussi disent qu'il y a des règles, par exemple, dans un pays. Au sujet de ceux qui roulent les motos ou bien les voitures. On dit qu'on ne doit pas dépasser 100 km à l'heure. Mais d'autres pensent qu'ils sont des vrais motards. Hein? Ils font des laisses. Et puis, ils soulèvent la moto en haut. Les gens vont applaudir. S'il meurt dans ça, certains savants disent qu'il s'est tué lui-même. Quant à la nafsa. Mais regardez le jugement qui découle de cela, celui qui s'est tué lui-même. C'est un grand péché. Allah dit, wala taqtulu anfusakum, inna Allah kana bikum rahima. Allah est miséricordieux envers vous, pourquoi vous vous tuez vous-même? Ne vous tuez pas vous-même. Donc ce qu'il a fait, wa ismun azimun inda Allah, c'est un grand péché auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala tawa'ad Allah fa'ila zalik bi'azabi jahannam. Allah a menacé celui qui fait cela par le châtiment de l'enfer. Voyez, ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء. C'est venu dans un hadith où le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit celui qui se tue par quelque chose, alors أذب به يوم القيامة, il sera châtié par cela le jour de la résurrection. Le hadith vient dans Sahih al-Bukhari. وقال في حديث آخر, il a dit dans un autre hadith, من قتل نفسه بحديدة, celui qui se tue avec un fer, فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ, alors ce fer sera dans sa main, يَتَوَجَّعُ بِهَا, c'est-à-dire يَتَعَنُ, il se pique avec ce fer-là, ce couteau, فِي بَطْنِهِ, il pique son ventre avec, فِي نَارِ جَهَنَّمَ, dans le feu de l'enfer, خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, et sera éternel, il se pique. Il se pique, mais il ne meurt pas où. Il se pique, il se pique, il se pique éternellement. Ceux qui vont se tuer à cause d'une femme ou bien deux femmes, là, s'il vous plaît, dites-les ce qui les attend. Parmi les musulmans. Là, il y a une femme fiada. On ne comprend pas dans cela que celui qui s'est tué lui-même est éternel dans le feu de l'enfer. Voyez. Voilà qu'il y a une restriction. Celui qui meurt sur le tawhid, voilà, il n'est pas Khalid Mukhalad Finnar. Le fait de se tuer, c'est Kabir Amin Kabayir Zuno. Et ça n'éternise pas dans le feu de l'enfer. Barakallahu fik Abdul Karim, ou c'est Tanbi. Donc, Fakatil Nafsi la yazalu. Il ne cessera d'être châtié dans le feu de l'enfer avec ce qui s'est tué avec. Celui qui se pend avec une corde, et il s'est tué lui-même, il sera éternel dans le feu de l'enfer. S'il n'est pas parmi les mouahis. Nassalullah al-afiyah wa salam. Qu'Allah nous préserve. Fadi jarimatun azima yambaghi an yakuna al-nas ala hadar minha. C'est un grand péché. Les gens doivent faire attention. Tayyib. Walakin qatul nafsi yabqa musliman. Celui qui se tue lui-même reste musulman. Fassalatu alayhi wajibatun. Prier sur lui est obligatoire ka kayfiyat al-muslim, ka baqiyat al-muslimin. Comme les autres musulmans. ولكن كما ذكرنا في الغال كما نمسون نسولي كديروب ومن كان إماما ورجلا صالحا معروفا بين الناس سولي كإمام اكوني parmi les gens وله مكانة إلى أن grand place في نفوس الناس chez les gens فهذا يشرع له أن يترك الصلاة على هذا الشخص c'est autorisé pour lui de délaisser la prière sur ces gens de personnes كي يكون ذلك راديا لغيره pour que cela réprimande les autres. Ensuite, قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, رحمه الله, dit والكافر. Le mécréant. Ça, nous tous en connaissons. Ou bien, mais il y a d'autres qui ne savent pas. Aïla tajoudou salat al kafir. C'est permis de prier sur le mécréant. Fas salat alayhi ghayru mashrou'a. Prier sur lui n'est pas autorisé. La prière légiférée sur le musulman seulement lorsqu'il décède. قال الله تبارك وتعالى على دي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. Ne prie pas sur l'un d'entre eux s'il meurt et ne t'arrête même pas sur sa tombe. فهذا نهي من الله. C'est une interdiction venant d'Allah, les salat. Prier sur le corps à la ghayr al-muslim, c'est autre que le musulman, wa kazalika tarahum alayhi. Et dit, qu'Allah lui pardonne. Et qu'Allah lui fasse miséricorde. At-tarahum, c'est demander la miséricorde d'Allah. Wal istighfar, et demander le pardon d'Allah. Muharramun aydun, c'est interdit. Et qu'aulihi ta'ala, à cause de la parole d'Allah, ما كان للنبي والذين آمنوا il n'appartient pas au professeur à ce monsieur qui ont cru à yastaghfiru lil mushrikin qui demande le pardon d'Allah pour les associateurs les mécréants walau kanu uli qurba même si c'est leur proche min badi mais après qu'ils aient su ma tabayyana lahum clairement annahum ashabul jahim que ceux-là font partie des gens de l'enfer donc fal kafiru le mécréant la yajuzu l'istighfar lah il n'est pas permis de demander le pardon d'Allah pour lui wala tarahum alayhi ni demander la miséricorde d'Allah sur lui binasi hadhihi al-aya le texte de ce verset montre clairement wala yajuzu aidan an-nusalli alayhi il n'est pas permis qu'on prie sur lui fas-salat alayhi fiha istighfar prier sur lui il y a la demande de pardon وَتَرَحُمُ عَلَى الْكَافِرِ et demander la miséricorde d'Allah pour le mécréant وَالْكَافِرُ لَا يَجُزُ تَرَحُمُ عَلَيْهِ le mécréant n'est pas permis de demander la miséricorde d'Allah pour lui وَلَا الْإِسْتِغْفَارِ لَهِ ni demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui mais أَمَّا الْيَوْمِ le chèque il dit aujourd'hui فَإِنْدَنَا أَغِبْ تُورِ هذا الرجل hein Il dit, on pouvait demander le pardon d'Allah pour Arafat Didier. La ilaha illallah. Hein? Qu'on a hâda? Ya Isabam, janna ou la'alla, la'alla, la'alla. Il se peut, il se peut, il se peut. Hein? Hatta ba'duhum zahabu wa da'aw la. Certains sont allés, ils ont pris, ils ont fait dua pour ce mujrim. Kafir. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà pourquoi le chef dit Amma yaoum. Quand aujourd'hui, fauna katajawuzat shadida, les gens dépassent les limites, surtout les imams qui aiment protéger leur ventre. Konobara. Hein? Le ministre l'appelle. Le ministre dit Viens t'as prier sur mon bon petit. Il vient. Le ministre lui demande, est-ce que c'est permis? Il dit oui. Et Allah dit dans le Coran, hein, la yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah dit les mécréants, oui, mais Allah vous interdit pas de ceux qui vous ont pas combattu parmi les mécréants là. Antabarruhum. Que vous les fassiez du bien. Wa tuqsitu ilayhim. Et que vous soyez juste envers eux. Ils envoient ce verset-là pour dire que le mécréant qui t'a pas combattu, alors il n'y a pas de problème. Mais le mécréant que Allah a interdit de prier sur lui ou bien de faire invocation pour lui, ou bien, alors c'est le mécréant qui t'a combattu. Hein? Subhanallah. Allah dit, « Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi » Ibrahim, والذين معه. Et ceux qui sont avec eux, mais Allah dit à la fin, illa qawla Ibrahim. Sauf la parole d'Ibrahim à son père, la astaghfirannak. Je demanderai le pardon d'Allah pour. Ça, c'est la seule chose. On ne doit pas suivre Ibrahim dans cela. Mais lorsque Ibrahim, il a su que son père était adou Allah, tabarra amin. Il s'est désavoué de son père. Mais ce n'est pas permis pour le musulman d'invoquer Allah. Pour le mécréant, la yajuz abadan. Lorsqu'il meurt, li'annahu min ashabil jahim, indaha amru. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu demander pardon pour son, le pardon d'Allah pour son oncle. Fa kayfa bina. Donc le chef il dit, Nasallallahu Azza wa Jal As-Salamata wa Al-Afiyah. On demande à Allah de nous préserver. Qala Rahimahullah wa Shahid. Ainsi que le Shahid. Le Shahid c'est qui? Le martyr. Aïla yusalla aïdana ala Shahid. On ne prie pas sur le Shahid, mais est-ce que lui son jugement est comme les autres? Lakin hunaka farqu bayna adami salat ala hada wa adami salat ala alladhi sabaq. Il y a une farque, il y a une différence entre le fait de ne pas prier sur le shahid et prier sur, ne pas prier sur ce qu'on vient de voir. فَهَذَا لَا يُصَلَّ عَلَيْهِ لِعَظِيمِ مَنْزِلَتِهِ Ce shahid, on ne prie pas sur lui à cause de sa grande place. وَلِمَكَانَتِهِ Et la position qu'il a eue à الرَّفِيعَ الْعَالِيَ élevée et supérieure. وَلِعَدَمِ حَاجَتِهِ Parce qu'il n'a pas besoin de شَفَاعَةِ أَحَد De l'intercession de quelqu'un, parce qu'il est déjà martyr. C'est-à-dire, lui, il a plutôt pitié de nous. فَهُوَ الَّذِي يَشْفَعُ فِي النَّاسِ C'est lui-même qui va intercéder pour les gens. Le shahid. وَهُمَ جَعَلْنَا مِنُوْ وَذَلِكَ لَا يُصَلَّ عَلَيْهِ Mais l'autre, on ne prie pas sur lui لِخِصَّةِ مَنْزِلَتِهِ à cause de la bassesse de sa place. وَقِلَّتِهَا يَكُونَ تَرْكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ رَادِعًا لَهُ On ne prie pas sur lui pour que cela réprimande les autres. C'est-à-dire, ce qu'on vient de voir, lui, on refuse de prier sur eux. Pourquoi? Pour que ça soit une leçon pour les autres. Mais le shahid, lui, on ne prie pas sur lui. Pas on refuse de prier, mais lui, on ne prie même pas sur lui parce qu'il n'a pas besoin de notre shafa'a. Hein? C'est un honneur pour lui. Soyez. Qu'Allah nous préserve. وَالصَّلَاةُ هِيَ شَفَاعَةٌ مِنَ الْمُصَلِّينَ لِلْمُصَلَّ عَلَيْهِ La prière, c'est une intercession pour ceux, de ceux qui prient, pour celui qu'on prie sur lui. وَتَرَحُمُ لَهُ Une demande de miséricorde. وَالشَّهِيدُ هُوَ الَّذِي يَشْفَعُ فِي النَّاسِ Le shahid, c'est lui-même qui intercède. وَلَيْسَ بِحَاجَةِ لِشَفَاعَتِهِمْ N'a pas besoin de la shafa'a. وَلَا يُصَلَّ عَلَى الشَّهِيدِ On ne prie pas sur le shahid أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يُصَلَّ عَلَى الشُّهَدَاءِ Le professeur Hassan n'a pas prié sur ceux qui sont décédés, non? Ceux qui sont morts en bataille, là. Uhud. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُصَلَّ عَلَى الْقَبْرِ وَعَلَى الْغَائِبِ On prie sur la tombe et celui qui est absent. Voilà notre masala. On va terminer avec ça. Ok? طيب. المقصود بالصلاة على القبر هنا c'est qui a voulu la prière car celui qui est kaburuka c'est صلاة الجنائز c'est nati qui l'a mort fatoula celui kelaka celui de ce qu'a ke aka tu connais mais kato kaburula c'est à dire dans la tombe wa amma الصلاة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم Salatuha ila al-qabr, la prière que le professeur m'a interdit de prier. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un tombe, innama hiya tilka salat al-ma'ruf. Ce sont les prières qui sont connues. Ça va? Allati hiya al-afal wa al-aqwal al-maqsousa, allati tu'adda fi awqat al-maqsousa. Ce qui est les actions, les prières spécifiques qu'on fait dans les moments spécifiques. Comme salat al-zuhur, asr, ou ghayriha min al-salawat. Et autre que cela, parmi les prières, allétifiha ruku wa sujud. Les prières dont il y a ruku et puis sujud. Fahazi la yajuzu antu salla. La ala kabrin, wa la ila kabrin, wa la i fi makbar. On ne prie pas ces prières sur une tombe, vers une tombe et au cimetière. Voyez, kullu zalika kodenaha anu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kafa nahiyan fi zalika. Et cela suffit comme interdiction. La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, La'anallahu al-yahud wa al-nasara ittakhazu qubura anbiya'ihim masajid. La malédiction d'Allah, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme mosquées. Les tombes de leurs prophètes comme mosquées. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a maudit les juifs pour ça. Mais les musulmans, aujourd'hui, ils mettent même la tombe. D'autres même, leur père a été enterré au cimetière, ils ont déterré leur papa pour venir l'enterrer dans la mosquée. Ah, c'est qui? Santa. Le calife général de Tidjani en Côte d'Ivoire. C'est ça? Hein? Chaque vendredi, on fait tawaf autour de la tombe. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hein? Ah, non, ça c'est un problème entre eux là-bas. Hein? À beau boulot. Ils font tawaf. Qu'Allah nous préserve. Amma salatu janaiz fa salat okhra laysa fiha ruku wa la sujud. C'est une autre prière dans laquelle il n'y a pas de ruku ni de sujud, n'est-ce pas? Wa hi tushra wa la al-qabr. C'est permis de faire sur la tombe. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sabata anhu fi sahihayni. C'est venu dans les deux authentiques. Annahu salla ala qabr al-mar'a allati kanat taqum al-masjid. Il a prié sur la tombe de la femme qui s'occupait de la mosquée. Elle nettoyait, elle nettoyait la mosquée. Donc, je vous ai dit mémoriser le hadith ici. Le hadith est dans Sahih Hayni. Voyez. Donc, le hukum qui en découle de ce hadith, c'est que wa kana sahaba qad dafanuha bil-layl. Les compagnons l'avaient enterré la nuit. Wa kana alayhi salatu wa salam yuridu salat alayha. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait prier sur elle. Wa kana na'iman. Mais il dormait. Fakhashiya ashab. Ses compagnons ont craint en yuz'ijou de le déranger. Law aykavou s'il avait réveillé. Fatarakou na'iman. Ils l'ont laissé dormir. Fasallu alayha fil layli. Ils ont prié sur elle la nuit. Voyez. Wadafanouha. Et l'ont enterré. Falamma aliman nabi sallallahu alayhi wa sallam zahaba wa salla ala kabriha. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a su cela, il est allé jusqu'à vers sa tombe et il a prié sur sa tombe. Wa qad saha anhu dhalika fi sahihayni, c'est venu dans les deux authentiques wa ghayriha wa salla ma'ahu aidan, et a prié avec lui ce jour là-bas de sahaba, c'est un compagnon, kama jaa fi ahadithin ukhra, comme c'est venu dans d'autres hadiths, alors dans Sunan al-Kubra de l'imam al-Bayhaqi. Amma salatu ala al-ghaib. Quand à prier sur celui qui meurt loin, il est absent. C'est-à-dire le corps n'est pas devant nous. Est-ce qu'on peut prier sur le corps? Falam yahfazu anhu alayhi salatu wasalam annahu salla ala ghaib illa ala najashi. C'est pas connu et venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a prié sur un autre corps absent, si ce n'est que sur le corps de An-Najashi, comme ça vient dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Wa sababu, la cause, anna lin-Najasi sifatan khas. Najasi a une particularité. Quand je dis particularité, c'est pas comme s'il est le plus pieux. Là, c'est-à-dire, vous allez écouter, wa hiya annahu lam yusalli alayhi ahad. Personne n'a prié sur An-Najashi. Fasalla alayhi rasulullah salat al-ghaib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié salat al-ghaib sur lui. Amma tawassu'. Quant au fait d'étendre cela, alladhi narahu al-yaw, qu'on voit aujourd'hui, fi salat al-ghaib, c'est la prière de ghaib, celui qui est absent. Fa kullu man arada. Sinon, man, Jibril. Donc, ici, quant au tawassu qu'on voit aujourd'hui au sujet de salat al-ghaib, fa kullu man arada yusalli ala akhar, salla salat al-ghaib. Celui qui veut prier sur l'autre, il prie salat al-ghaib. Fa tawassu ghayr mardi, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, ni agréé par la sunna. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على احد صلاه الغائب. Il n'a pas prié sur quelqu'un la prière de salat al-ghaib illa ala an-najashi, sauf sur an-najasi. Wa illa faqad mata kaseer min al-muslimin ba'idan an, sinon beaucoup de musulmans sont décédés loin de lui. Wa lam yusalli alayhim, n'a pas prié sur eux, la hadiran wa la ghaiban, ni celui qui était hadiran présent ni ghaiban. C'est-à-dire ceux qui étaient là n'ont pas prié. Ghaïba, ils n'ont pas prié. Wa innama salla ala an-najashi. Il n'a prié que sur an-najasi. Li annahu wal wahidu alladhi lam yusalli alayhi. Car c'est le seul qu'on n'a pas prié sur lui. Fassalla alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam salat al-ghaib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de l'absent. Fassalat al-ghaib tushra'u, la prière sur celui qui est absent, le corps qui est absent, c'est permis. Walakin liman lam yusalli alayhi. Mais pour celui qu'on n'a pas prié sur son corps, walaysa mutlaqan, et c'est pas mutlaq. Toyib, toutes les mosquées, lorsque Mohamed Morsi est décédé, Mohamed Morsi, Raïs ou Ikhwan al-Muslimin, ceux qui disent qu'ils sont sunnites ici là, ils ont tous prié sur lui. C'est le chef des Ikhwan al-Muslimin. Raïs, Adogaï Souna Morole. Maintenant, plus grave, quand Kardawi est décédé. C'est-à-dire, Salat al-Ghaib est devenu comme de l'amusement, au fait. Bon, si vous dites Salat al-Ghaib, Jaïs, Misri Beboke, il y a quoi? Moulebe. C'est-à-dire, les mosquées d'ici ont fait, les mosquées du Mali, de d'autres coins. Nous nous voyons sous l'amour de Hizdou, au Loukouke. Kasseli Kardawika, Kasseli Mohamed Morsika, Kafokono Yadjouz. Voilà la preuve. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a prié sur Masjid Najashi parce que les gens n'ont pas prié sur lui. Mais Mohamed Morsi, ils ont fait la prière sur lui en Égypte. Vous avez fait en Côte d'Ivoire. L'autre ont fait au Mali. D'autres ont fait dans d'autres pays. Tout ça, c'est quoi? Koulou a dit sunna. C'est pas une sunna. Qu'Allah nous préserve. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous guider sans fin sur son droit chemin. On a fini le chapitre. On rentre dans quel chapitre? Dans la prochaine assise. Non, le chapitre de Al-Mashyu bil Janaza. Mais c'est l'enterrement. C'est le chapitre qui va parler de l'enterrement. Et de ce qui est interdit autour de cela. Voyez? Après ce chapitre, nous allons voir bi-Iznillah d'autres masa'il qui sont très très importants, tels que An-Niyaha, le fait de crier. Et puis lorsqu'on va finir maintenant ce chapitre, je crois qu'on va rentrer dans le grand chapitre de la Zakat. Zakat. Masalatuna. Barakallahu fi. Salam alaikum. Adam Bougadiri.